Je veux chanter un chant d'amour, Seigneur, pour mon sauveur. Merci pour ce que tu as fait. Je suis merveilleux. Je suis grand, Seigneur. Tu es inégalable. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur. Pour toi, Jésus, merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus, mon sauveur. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur. Ce que tu as fait, tu es si précieux, Jésus, mon sauveur. Oh, je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi, Jésus. Merci pour ce que tu as fait, tu m'es si précieux, Jésus, mon sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Seigneur, je veux être dans tes bras.